Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 10e émission de Zone Mag. Déjà 10, ça va vite, hein? Mettons. Bonjour Karine. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui. On va y aller tout de suite avec une des sorties musicales que j'attendais le plus et qui m'a malheureusement tantiné déçu. C'est la sortie de Megadeth avec Super Collider, qui était justement un album, ça fait deux ou trois ans qu'ils n'ont pas sorti d'album. Puis celui-là, ben, ça faisait déjà un an qu'on entendait parler, donc j'avais vraiment hâte d'avoir du nouveau matériel de Megadeth, parce que je suis vraiment un grand fan. Ils sont allés un petit peu différemment de ce qu'ils font, légèrement différemment de ce qu'ils font d'habitude. Là, c'est sûr qu'on reconnaît le son Megadeth, là, ça reste ça pareil, mais il y a le petit punch qu'on avait des fois dans les anciens albums qui est pas là. T'sais, c'est un peu plus commercial. Ben peut-être, puis tu sais, on dirait que c'est sûr que les gars, ça fait 20 ans qu'ils font ça. D'ailleurs, justement, ils fêtent leur 20e anniversaire cette année, hein, de création du groupe. Puis peut-être que Mustaine s'en vient un peu vieux puis que sa voix s'en retourne un peu. Hein. Déjà qu'on est chanceux de pouvoir encore avoir du matériel avec sa tendinette qu'il y a eu au poignet. Hein. Mais non, c'est ça. Ça reste quand même un bon album. Ça ressemble à du Megadeth. C'est quand même assez intéressant. Mais peut-être oui que c'est peut-être un peu plus commercial. Là, c'est sûr que là, en plus, sont sous une nouvelle étiquette qui appartient à Dave Mustaine. Donc peut-être que ça joue un petit peu justement là, peut-être que Mustaine a un peu plus de liberté. Je sais pas comment est-ce que c'était avant avec les anciennes maisons de disques, mais avec celui-là peut-être qu'il s'en est permis un peu plus. Puis il voulait aller chercher justement ce qu'il avait fait que tu sais ils se sont démarqués dans le début des années 80. Puis ce qui faisait que c'était du les origines du thrash metal puis du C'est comme je dis, c'est légèrement différent. Mais peut-être à cause des grosses attentes que, tu sais, souvent, on a un produit, qu'on le surclasse, mais on a tellement hâte d'entendre de quoi ça a l'air. Des fois, ça vient ben, sans jouer sur notre. On est un petit peu déçus parce que justement, on s'attendait d'avoir. Finalement, c'était pas. C'est ça. Mais je suis allé voir une critique sur Internet. Puis le gars, lui, il démolissait l'album carrément. Okay. Lui, c'était le pire qu'il avait fait depuis Risk, mais là, c'est sûr que c'est une question d'opinion. Hein. Oui. Mais non, je pense pas que c'est le pire album qu'ils ont fait. C'est sûrement pas le meilleur, ça. Y a pas de doute là-dessus. En tout cas, pour ma part à moi. mais tu sais, ça reste du Megadeth. Ça reste que c'est bon, sauf que la petite touche... La petite étincelle n'est pas là. Ben, c'est ça. Je vais vous faire écouter quelques extraits, puis vous déciderez par vous-même si vous aimez ou pas. Parce que moi, pour ma part, c'est sûr que c'est dans ma bibliothèque là. and Color est un projet de musique acoustique fondé par Dallas Green, le chanteur et guitariste du groupe canadien Alexis on Fire. Ils sortent aujourd'hui leur quatrième album, Hurry and the Arm. Green a évoqué que selon lui, la meilleure musique, ou sa définition de la meilleure musique, est la musique triste ou des ballades. Et c'est ce qui a influencé de beaucoup ses chansons avec la formation du groupe. Il a aussi indiqué que la musique lui permettait de s'évader et de là l'idée d'utiliser les ballades comme choix musical. Ainsi, les gens peuvent s'y identifier plus facilement. C'est ça, puis c'est comme un peu libérateur, justement. Tu sais. Il y en a beaucoup qui pas qui s'identifient à la... mais qui vivent la chanson, c'est ça, ouais. Fait que donc, le fait d'aller chercher les émotions dedans, justement... Exactement, souvent. Ça enlève un petit poids, ça... un baume sur les plaies. Oui, exactement. Pour l'album Hurry and the Arm, Green fait un retour dans le passé pour ainsi trouver l'inspiration pour pouvoir créer le nouvel album, tout en restant les pieds bien ancrés dans le présent, en conservant son idée de base au niveau de la mélodie et de la mélancolie. L'album fut enregistré à Nashville, au Tennessee. L'ensemble des pièces sont de tendance folk et un peu de blues. Okay. Ça fait un beau mélange. En tout cas, j'ai bien apprécié. Je connaissais pas beaucoup le groupe. Puis avec l'album que je viens d'entendre, puis je viens de découvrir, ça m'a donné le goût d'aller... D'en savoir plus. Ouais, d'aller écouter les autres albums. Fait que voici quelques pièces qui vous donneront peut-être le goût d'en écouter davantage. Il y avait aussi les Barnacled Ladies qui sortaient un autre album qui est Grinding Strake. Ça faisait quand même un petit bout qu'on n'avait pas entendu des Barnacled Ladies. Je connaissais peu les Barnacled Ladies à part les gros hits qui ont joué dans les radios populaires. C'est un album qui ressemble beaucoup à ce que je connais d'eux, qui est quand même assez intéressant à écouter. C'est un bon album, je dirais, d'été ou de beach, là, de plage. Par contre, je doute fort qu'il y ait un extrait qui soit comme la toune de l'été. Là. OK. Mais c'est rare qu'on va les entendre aussi à la radio. Hein, ouais, c'est ça, même. En tout cas, on n'embarquera pas dans ce sujet-là. mais c'est ça, ça reste que j'ai eu du plaisir à écouter l'album. C'était très intéressant. Puis ça fait du bien aussi de revoir les Barnacle Ladies dans le devant de la scène. Je vais vous faire écouter quelques extraits. Vous verrez par vous-même si vous allez l'écouter cet été ou non. Today is not the day to get it done or not to get it done. Today I heard you say maybe it's okay if everything looks great. Le groupe rock ontarien Bleaker Ridge sort leur quatrième album qui s'intitule Four. La formation travaille ensemble depuis 2003. Ils ont sorti les albums en 2004 Undertow, en 2007 The Rain. En 2010, ils signent avec Roadrunner Records. L'été 2010, ils font la première partie du spectacle du groupe Rock Airborne, oui, ce oui. qui les a peut-être un peu plus fait connaître. En septembre de la même année, en 2010, ils sortent l'album Small Town Dead. En avril 2013, le premier single de l'album Four est délivré sur Internet et dans les radios, qui s'intitule Last Cigarette. Pour les fans de rock, Bleaker Ridge devra sûrement vous séduire et aller chercher le petit côté mélodique. Mm-hmm. Honnêtement, c'est un très bon album pour les fans peut-être de AC/DC, Creed, Nickelback. Ça va chercher beaucoup de guitare aussi, beaucoup d'accords de guitare. Okay. Je connaissais pas beaucoup. Ouais, vraiment, je connaissais le dernier album, là, Small Town Dead, mais j'avais pas écouté les autres. Puis, encore une fois, pour cet album-là, Four, là, j'ai bien apprécié l'album. Voici quelques extraits. fire. Yes, I love, but I don't like her. This is a story about the one I need, and she keeps me under thumb. Holds me down and makes me dumb. Yes, I need another lover. La chanteuse originaire de Toronto, Melissa Bell, sort son troisième album, Don't Forget to Breathe. Elle sort son premier album en 2007, à l'âge de 18 ans, qui s'intitule Brave. Melissa a reçu avec cet album la pièce radiophonique en Allemagne, où elle a fait une courte visite pour y faire 14 spectacles en 16 jours. Elle a quand même travaillé pas mal et a bûché fort. En avril 2012, elle sort un deuxième album, Distance. Elle atteint le numéro 1 sur la charte Jazz et Blues de Montréal. L'été 2012, sur cet album, elle reprend la chanson populaire de Bill Withers, Ain't No Sunshine. Les avenues de son et l'émotion qu'elle transmet sur cet album ont eu un lien direct avec le public, et ce, partout dans le monde. Le premier single de son nouvel album, Don't Forget to Breathe, est All the Wrong Things. Pour ma part, j'ai adoré cet album, qui est à la fois rock, soul, jazz, et avec une touche de blues. Une jeune artiste à découvrir absolument, pour ma part. Puis qu'on devrait entendre parler dans les prochaines années avec sûrement une très belle carrière. Voici quelques pièces de l'album. You bring me coffee every morning, but it's a little bit cold. You bring me flowers every evening, but it's getting a little bit old. You say you love what I'm wearing, just as I'm about to change. And you sing me happy birthday, baby. Outside, looking in, missing moments that I can't get back. My legs are walking, I hear myself talking, but somehow I'm not really there. Chances are we gonna get in this game of roulette? Days like today, everything changes, goes up in flames in the summer heat. Days like today, nothing is shameless. We're totally blameless if it's meant to be. Be late again. Too much to think about, not enough space inside my head. And that guy who said he called. Du côté des autres sorties musicales, dans le pop rock, on avait Camera Obscura qui sortait Desire Line. On a aussi Capital City avec In a Tidal Wave. Les Doobie Brothers avec un album live qui est 2004. Live at Wolf Trap. Filter, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu du Filter, qui revient avec Sun Comes Out Tonight. On a aussi Lenka avec Shadows. Matthew Morrison avec Where It All Begins. Du côté franco, on avait Felix Gray qui sort chanter. On a aussi Sylvain Lelièvre avec Versant Jazz Live. Du côté hip-hop, on a Obia and Kotola qui sortent Théorème. Et on a aussi un album d'artistes variés avec White Bag Swag. Un autre CD d'artistes variés, c'est l'album de la tournée Warp Store 2013. Et du côté country, on a aussi Gretchen Wilson qui sort Under the Cover. Du côté ici, DVD Blu-ray, on avait A Good Day to Die Hard ou Une Belle Journée pour Crever avec Bruce Willis qui est rendu à au sixième, si je ne m'abuse, de la série de Die Hard. Normalement, les Die Hard sont relativement bons. Il y en a quelques-uns qui chialent peut-être sur, mettons, le dernier, puis qu'ils ont moins aimé le dernier. Celui-là, personnellement, j'ai trouvé l'histoire un peu ordinaire. C'est déjà vu. Ben, tu sais, à un moment donné, c'est comme, j'ai l'impression qu'ils ont fait un film pour faire un film, puis que ça s'est fait vite. Justement, comme je te disais un peu avant l'enregistrement, il y a une scène en particulier que j'ai même mis sur pause pour vérifier, puis on voit que on dirait que le focus n'est pas fait à la bonne place, ce qui donne l'impression que ils ont comme voulu, c'est comme s'ils auraient voulu faire le film en 3D, puis que cette scène-là, ils auraient oublié d'enlever l'effet 3D pour la version DVD régulière. Donc ça fait un peu bizarre même quand c'est pas long là, c'est une seconde et demie, juste un plan de vue qu'on voit qui est flou puis ça continue, mais c'est assez pour que ça accroche puis que en plus le film, on a vérifié, le film est pas sorti en 3D. Donc en tout cas, techniquement, c'est pas à cause de ça, peut-être qu'ils ont une erreur de frappe en ben où ils ont enregistré la possibilité de le faire en 3D, mais qui dans 2 ans ils vont ressortir le DVD, ouais, c'est ça. Histoire de refaire des ventes de plus. Ah, regardez, on l'a fait en 3D, mais ouais, c'est ça. Non, sinon, ben c'est ça. Je trouve que l'histoire est un peu ordinaire. C'est Bruce Willis qui s'en va aider. Il pense que son fils est dans la merde en Russie, pour finalement se rendre compte que bon, lui travaille pour la CIA. Puis il est sur un gros coup d'armes nucléaires puis qui a rapport avec Tchernobyl. L'histoire, je dirais que c'est un peu du déjà vu. La fille qu'on voit dans le film, puis qu'on la voit au début puis à la fin, puis ça finit là. Tu sais que dans le fond là, il l'aurait pas mis du film, ça aurait pas été grave. Ça n'a pas dérangé. Non, tu sais, elle a comme parure là, tu sais, c'est je m'attendais à avoir un peu plus d'interaction avec elle, je sais pas, peut-être que les terroristes auraient pu, c'est sûr que là, bon, elle est en Amérique, mais tu sais, il aurait pu avoir des relations en lien avec l'histoire, ou whatever. Ouais, c'est ça. Puis non, finalement, rien. On la voit au début, puis on la voit enfin quand ils reviennent en Amérique. Présenté par principe de la titre. Ou ils ont peut-être l'intention de repartir la série des Die Hard avec le fils puis la fille, puis laisser tomber Bruce Willis pour refaire une nouvelle trilogie, je sais pas. C'est comme je vois pas vraiment le pourquoi du film en tant que tel là. Ça reste un Die Hard, ça reste que, tu sais, bon, il y a des petits gags, puis il y a des petits justement le fait là que c'est père-fils, puis que bon, il y en a un qui semble être, tu sais, Bruce il a jamais été John McClane n'a jamais été là pour ses enfants, ou à peu près, il était tout le temps à job, donc tu sais, son fils en guillemets, se revanche, ou tu sais, il remet tout le temps sur le nez ça. Puis de l'autre côté, John McClane, lui, il dit que il arrêtait pas de chialer, puis que des fois c'était pour des niaiseries, puis que ça durait des semaines, puis fait que là, tu sais, c'est cocasse, mais tu sais, c'est simple. Je suis content de l'avoir vu. C'est pas un film que j'achèterais. S'ils sortent un coffret puis qu'ils viennent avec là, peut-être, ben j'aurais pas le choix, il va être avec là. Mais sinon, moi personnellement, je vous conseille d'aller le louer avant, puis à moins que vous soyez vraiment là, fan fini des Die Hard puis que vous les avez toutes puis que vous le voulez absolument là. Mais sinon, allez le louer, puis vous prendrez votre décision après si vous l'achetez ou pas là. Mais personnellement, il va rester dans la tablette. Pour la suite des nouveautés DVD, il y avait Zombie malgré lui, qui sortait en DVD et Blu-ray. C'est une comédie. Qui semblait très intéressante. Je l'ai malheureusement pas vu au cinéma, mais... J'ai eu des bonnes critiques. Du moins, en tout cas, la bande-annonce avait l'air très intéressante. Là. Un autre comédie aussi, Vol d'identité. Il y avait le film d'animation Fuyons la planète Terre. Mm-hmm. Une autre comédie, Astérix et Obélix, au service de sa majesté. Et la série Pretty Little Liars saison 3, qui sortait aussi en DVD. Du côté des jeux, je vais y aller tout de suite avec la nouvelle qu'on a su aujourd'hui. C'est Harmonix qui ont annoncé leur nouveau jeu qui va être compatible Kinect, qui va sortir sur la Xbox 360 et la nouvelle console Xbox One. Le jeu s'appelle Fantasia Music Evolve. Ça va reprendre les chansons qui sont dans le dessin animé de Disney qui porte le même nom, qui porte Fantasia. Le jeu va être dans le style des rock band puis des musiques, des dance central. Il va un peu mélanger les deux. Ça va être le but du jeu, ça va être de faire des remixes des chansons qui va avoir dans le jeu. Puis tout ça va être orchestré, si je pourrais utiliser le terme, parce que ça donne vraiment l'impression qu'on va un peu jouer au chef d'orchestre, parce que c'est avec les mouvements des bras qu'on va contrôler le tempo de la musique, qu'on va changer les vocales, tu sais, qu'on va monter les... On va vraiment pouvoir jouer avec ça, autant sur individuel qu'en coop. J'ai vu la bande-annonce. Si vous voulez aller le voir, vous pouvez la trouver sur Internet plus facilement sur zonetechnoculturelle.ca. Il y a une nouvelle qui est là en rapport à ça. Le jeu a l'air vraiment intéressant. En tout cas, ça a beaucoup de potentiel. C'est sûr qu'il faut, on va en avoir plus de détails au E3 la semaine prochaine. Donc, on va peut-être voir un peu plus de quoi ça a l'air. Mais avec la bande-annonce, ça semble très prometteur. En tout cas, c'est quelque chose qui va être à surveiller. Sinon, on avait aussi Skyrim qui sortait en édition légendaire. La différence avec l'édition régulière, c'est que celle-ci, elle comprend les trois extensions qui sont sorties depuis la sortie du jeu, qui est Dawnguard, Heartfire, puis Dragonborn. Donc, pour ceux qui avaient peut-être pas Skyrim, puis que ça les intéresse, celui-là vaut peut-être la peine, justement, parce que là, on a les trois extensions pour le prix d'un jeu. C'est déjà tout pour cette semaine. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye! Bye! Zone Mag vous est présentée par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans.